Okay, okay. Well, original culture vibe. Nico again sur le mic, yo. Celle-ci s'appelle Dans mon rêve, spécialement dédicacée à Street Dangerous, Philosophic Sound, Selecta Marwan. Okay. Well, original culture vibe. Nico again sur le mic, yo. Dans mon rêve, je veux promener dans la jungle. Il n'y a rien à craindre. Dis-moi qui aurait pu peindre ce monde sans haine où je me promène. Il n'y a pas de feu à éteindre, aucune personne à plaindre. N'hésite pas à me rejoindre dans ce monde sans haine parallèle. Ici tous les hommes se donnent la main. Tout le monde a le sourire, simplement ça fait du bien. Là-bas toutes les âmes ne servent à rien. Le bonheur règne au quotidien. Dans mon rêve, il n'y a aucune personne assise sur le banc de la victime. Face à l'église qui coupe ses monstres de pédophiles. Pas d'enfance gâchée, pas de peuple que l'on opprime. Pas de femmes violées et de gamines achetées quelques centimes. Il n'y a pas de soldats qui mènent une guérilla. Pas d'assassinat, non pas un seul combat. Aucun chef d'état, ni aucun homme de loi. Dans mon rêve, la violence n'existe pas. Dans mon rêve, je me promène dans la jungle. Il n'y a rien à craindre. Dis-moi qui aurait pu peindre ce monde sans haine où je me promène. Il n'y a pas de feu à éteindre. N'hésite pas à me rejoindre dans ce monde sans haine parallèle. Ici tous les hommes se donnent la main. Tout le monde a le sourire, simplement ça fait du bien. Là-bas toutes les âmes ne servent à rien. Le bonheur règne au quotidien. Dans mon rêve il n'y a aucune histoire d'amour qui finisse mal. Il n'y a aucune trahison entre un homme et une femme. Ici le bonheur remplace le drame familial. L'amour nous donne des ailes, on peut toucher les étoiles. Ici personne ne crève de faim. Aucun homme ne dort dans la rue et ne manque de rien. Dans mon rêve chaque personne est maître de son destin. Non t'inquiète pas, le bonheur règne au quotidien. Dans mon rêve, je me promène dans la jungle. Il n'y a rien à craindre. Dis-moi qui aurait pu peindre ce monde sans haine où je me promène. Il n'y a pas de feu à éteindre. Aucune personne à plaindre. N'hésite pas à me rejoindre dans ce monde sans haine parallèle. Ici tous les hommes se donnent la main. Regardez en face, surtout pas se retourner car c'est blindé de rapaces. Sache qu'un monde sans violence est un monde sans menace. Je prie le ciel pour que chacun reste à sa place. Dans mon rêve, je me promène dans la jungle. Il n'y a rien à craindre. Dis-moi qui aurait pu peindre ce monde sans haine où je me promène. Il n'y a pas de feu à éteindre, aucune personne à plaindre. N'hésite pas à me rejoindre dans ce monde sans haine parallèle. Ici tous les hommes se donnent la main. Tout le monde a le sourire, simplement ça fait du bien. Là-bas toutes les âmes ne servent à rien. Le bonheur règne au quotidien.